Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, préface de la seconde édition. Dans le travail auquel on se livre sur les connaissances qui sont proprement l'œuvre de la raison, on juge bientôt par le résultat si l'on a suivi ou non la route sûre de la science. Si, après toutes sortes de préparatifs et de dispositions, on se trouve arrêté au moment où l'on croit toucher le but, ou si, pour l'atteindre, on est souvent forcé de revenir sur ses pas et de prendre une autre route, ou bien encore s'il n'est pas possible d'accorder entre eux les divers travailleurs sur la façon dont le but commun doit être poursuivi, c'est un signe certain que l'étude à laquelle on se livre est loin d'être entrée dans la voie sûre de la science, mais qu'elle n'est encore qu'un tâtonnement. Or, c'est déjà un mérite aux yeux de la raison, que de découvrir autant que possible cette voie. Dût-on abandonner comme vaine une grande partie du but qu'on s'était proposé sans réflexion. Ce qui montre, par exemple, que la logique est entrée depuis les temps les plus anciens dans cette voie certaine, c'est que, depuis Aristote, elle n'a pas eu besoin de faire un pas en arrière, à moins que l'on ne regarde comme des améliorations le retranchement de quelques subtilités inutiles, ou une plus grande clarté dans l'exposition, toutes choses qui tiennent plutôt à l'élégance qu'à la certitude de la science. Il est aussi digne de remarquer que, jusqu'ici, elle n'a pu faire un seul pas en avant, et qu'ainsi, selon toute apparence, elle semble arrêtée et achevée. En effet, lorsque certains modernes ont pensé l'étendre en y introduisant certains chapitres soit de psychologie, sur les diverses facultés de connaître, l'imagination, l'esprit, soit de métaphysique, sur l'origine de la connaissance ou sur les diverses espèces de certitudes suivant la diversité des objets, sur l'idéalisme, le scepticisme, etc., soit d'anthropologie, sur les préjugés, leurs causes et les moyens de les combattre, ils n'ont fait par là que montrer à quel point ils ignoraient la nature propre de cette science. Ce n'est pas étendre les sciences, mais les dénaturer, que de confondre leurs limites. Or, celles de la logique sont déterminées de la manière la plus exacte, par cela seul, qu'elle est une science qui expose en détail et démontre rigoureusement les règles formelles de toute pensée. Que cette pensée soit a priori ou empirique, qu'elle ait telle ou telle origine et tel ou tel objet, qu'elle rencontre dans notre esprit des obstacles accidentels ou naturels. Si la logique a été si heureuse, elle ne doit cet avantage qu'à sa circonscription, qui l'autorise et même l'oblige à faire abstraction de tous les objets de la connaissance et de leurs différences, et qui veut que l'entendement ne s'y occupe que de lui-même et de sa forme. Il doit être naturellement beaucoup plus difficile pour la raison d'entrer dans la voie sûre de la science lorsqu'elle n'a plus seulement affaire à elle-même, mais aux objets. Aussi, la logique, comme propédeutique, n'est-elle en quelque sorte que le vestibule des sciences. Et lorsqu'il s'agit de connaissances, on la présuppose sans doute pour les juger, mais c'est dans ce qu'on nomme proprement et objectivement les sciences qu'il faut en chercher l'acquisition. S'il y a de la raison dans ces sciences, il faut aussi qu'il y ait quelques connaissances a priori. Or, cette connaissance peut se rapporter à son objet de deux manières. Ou bien il s'agit simplement de le déterminer lui et son concept, qui doit être donné ailleurs, ou bien il s'agit de le réaliser. Dans le premier cas, on a la connaissance théorétique. Dans le second, la connaissance pratique de la raison. Dans les deux cas, la partie pure de la connaissance, si grande ou si petite qu'elle soit, je veux dire la partie où la raison détermine son objet tout à fait a priori, doit être d'abord traitée séparément et sans aucun mélange de ce qui vient d'autres sources. C'est en effet le propre d'une mauvaise économie domestique que de dépenser inconsidérément son revenu, sans pouvoir discerner ensuite, lorsqu'on se trouve dans l'embarras, quelle partie des recettes peut supporter la dépense et sur quelle partie il faut la restreindre. Les mathématiques et la physique sont les deux connaissances théorétiques de la raison qui déterminent a priori leur objet. La première d'une façon entièrement pure, la seconde du moins en partie, mais aussi dans la mesure que lui permettent d'autres sources de connaissances que la raison. Les mathématiques, dès les temps les plus reculés où puisse remonter l'histoire de la raison humaine, ont suivi, chez cet admirable peuple grec, la route sûre de la science. Mais il ne faut pas croire qu'il ait été aussi facile aux mathématiques qu'à la logique, où la raison n'a affaire qu'à elle-même, de trouver cette route royale, ou, pour mieux dire, de se la frayer. Je crois plutôt qu'elle est restée longtemps à tâtonner, surtout chez les Égyptiens, et que ce changement fut l'effet d'une révolution due à un seul homme, qui conçut l'heureuse idée d'un essai après lequel il n'y avait plus à se tromper sur la route à suivre, et le chemin sûr de la science se trouvait ouvert et tracé pour tous les temps, et à des distances infinies. L'histoire de cette révolution intellectuelle, beaucoup plus importante cependant que la découverte de la route par le fameux cap, l'histoire aussi de l'homme qui eut le bonheur de l'accomplir, n'est pas parvenue jusqu'à nous. Cependant, la tradition que nous transmet Diogène Laërce, en nommant le prétendu inventeur de ces éléments les plus simples des démonstrations géométriques qui, suivant l'opinion commune, n'ont besoin d'aucune preuve, cette tradition prouve que le souvenir du changement opéré par le premier pas fait dans cette route nouvellement découverte a dû paraître extrêmement important aux mathématiciens et a été sauvé par cela de l'oubli. Le premier qui démontra le triangle isocèle, qu'il s'appela Thalès ou de tout autre nom, fut frappé d'une grande lumière, car il trouva qu'il ne devait pas s'attacher à ce qu'il voyait dans la figure, ou même au simple concept qu'il en avait, mais qu'il n'avait qu'à dégager ce que lui-même y faisait entrer au moyen de ce qu'il pensait à ce sujet, et se représentait a priori par concept. Et que, pour connaître avec certitude une chose a priori, il ne devait attribuer à cette chose que ce qui dérivait nécessairement de ce qu'il y avait mis lui-même, en conséquence de son concept. La physique arriva beaucoup plus lentement à trouver la grande route de la science, car il n'y a guère plus d'un siècle et demi que l'essai ingénieux de Bacon de Verulam a en partie provoqué, et parce qu'on était déjà sur la trace, en partie stimulé encore cette découverte, qui ne peut s'expliquer que par une révolution subite de la pensée. Je ne veux ici considérer la physique qu'autant qu'elle est fondée sur des principes empiriques. Lorsque Galilée fit rouler ses boules sur un plan incliné avec une accélération déterminée et choisie par lui-même, ou que Torricelli fit porter à l'air un poids qu'il savait être égal à celui d'une colonne d'eau à lui connue, ou que, plus tard, Stahl transforma des métaux en chaux et celle-ci à son tour en métal, en y retranchant ou en y ajoutant certains éléments, alors ce fut une nouvelle lumière pour tous les physiciens. Ils comprirent que la raison n'aperçoit que ce qu'elle produit elle-même d'après ses propres plans, qu'elle doit prendre les devants avec les principes qui déterminent ses jugements suivant des lois constantes, et forcer la nature à répondre à ses questions au lieu de se laisser conduire par elle comme en lisière. Car autrement, nos observations faites au hasard et sans aucun plan tracé d'avance ne sauraient se rattacher à une loi nécessaire, ce que cherche et exige pourtant la raison. Celle-ci doit se présenter à la nature tenant d'une main ses principes, qui seuls peuvent donner à des phénomènes concordants l'autorité de loi, et de l'autre l'expérimentation, telle qu'elle l'imagine d'après ces mêmes principes. Elle lui demande de l'instruire, non comme un écolier qui se laisse dire tout ce qui plaît au maître, mais comme un juge en fonction, qui contraint les témoins à répondre aux questions qu'il leur adresse. La physique est donc redevable de l'heureuse révolution qui s'est opérée dans sa méthode à cette simple idée qu'elle doit chercher, et non imaginer, dans la nature, conformément aux idées que la raison même y transporte, ce qu'elle doit en apprendre et dont elle ne pourrait rien savoir par elle-même. C'est ainsi qu'elle est entrée d'abord dans le surchemin de la science, après n'avoir fait pendant tant de siècles que tâtonner. La métaphysique est une connaissance rationnelle, spéculative, tout à fait à part, qui s'élève entièrement au-dessus des leçons de l'expérience, en ne s'appuyant que sur de simples concepts, et non en appliquant, comme les mathématiques, ces concepts à l'intuition. Et où, par conséquent, la raison doit être son propre élève. Cette connaissance n'a pas encore été assez favorisée du sort pour pouvoir entrer dans le surchemin de la science. Et pourtant, elle est plus vieille que toutes les autres, et elle subsisterait toujours, alors même que celles-ci disparaîtraient toutes ensemble dans le gouffre d'une barbarie dévastatrice. La raison s'y trouve continuellement dans l'embarras, ne fût-ce que pour apercevoir a priori, comme elle en a la prétention, ces lois que confirme la plus vulgaire expérience. Il y faut revenir indéfiniment sur ses pas, parce qu'on trouve que la route qu'on a suivie ne conduit pas où l'on veut aller. Quant à mettre ses adeptes d'accord dans leurs assertions, elle en est tellement éloignée qu'elle semble plutôt être une arène exclusivement destinée à exercer les forces de ses jouteurs en des combats de parade, et où aucun champion n'a jamais pu se rendre maître de la plus petite place et fonder sur sa victoire une possession durable. Il n'y a donc pas de doute que sa marche n'ait été jusqu'ici qu'un pur tâtonnement. Et, ce qu'il y a de pire, un tâtonnement au milieu de simples concepts. Or, d'où vient qu'ici la science n'a pu ouvrir encore un chemin sûr? Cela serait-il, par hasard, impossible? Pourquoi donc la nature aurait-elle inspiré à notre raison cette infatigable ardeur à en rechercher la trace, comme s'il s'agissait d'un de ses intérêts les plus importants? Bien plus, comme nous avons peu de motifs de confiance en notre raison, si, quand il s'agit de l'un des objets les plus importants de notre curiosité, elle ne nous abandonne pas seulement, mais nous leurre de fausses espérances et finit par nous tromper. Peut-être, jusqu'ici, a-t-on fait fausse route. Mais sur quel motif fonder l'espérance qu'en nous livrant à de nouvelles recherches, nous serons plus heureux que ne furent les autres avant nous? En voyant comment les mathématiques et la physique sont devenues, par reflet d'une révolution subite, ce qu'elles sont aujourd'hui, je devais juger l'exemple assez remarquable pour être amené à réfléchir au caractère essentiel d'un changement de méthode qui a été si avantageuse à ces sciences et à les imiter ici, du moins à titre d'essai, autant que le comporte leur analogie, comme connaissance rationnelle avec la métaphysique. On a admis jusqu'ici que toute notre connaissance devait se régler sur les objets. Mais, dans cette hypothèse, tous nos efforts pour établir à l'égard de ces objets quelques jugements a priori et par concept qui étendit notre connaissance n'ont abouti à rien. Que l'on cherche donc une fois, si nous ne serions pas plus heureux dans les problèmes de la métaphysique, en supposant que les objets se règlent sur notre connaissance, ce qui s'accorde déjà mieux avec ce que nous désirons démontrer, à savoir la possibilité d'une connaissance a priori de ces objets qui établissent quelque chose à leur égard, avant même qu'ils nous soient donnés. Il en est ici comme de la première idée de Copernic. Voyant qu'il ne pouvait venir à bout d'expliquer les mouvements du ciel en admettant que toute la multitude des étoiles tournait autour du spectateur, il chercha s'il n'y réussirait pas mieux en supposant que c'est le spectateur qui tourne et que les astres demeurent immobiles. En métaphysique, on peut faire un essai du même genre au sujet de l'intuition des objets. Si l'intuition se réglait nécessairement sur la nature des objets, je ne vois pas comment on en pourrait savoir quelque chose a priori. Que si l'objet, au contraire, comme objet des sens, se règle sur la nature de notre faculté intuitive, je puis très bien alors m'expliquer cette possibilité. Mais, comme je ne saurais m'en tenir à ces intuitions, dès le moment qu'elles doivent devenir des connaissances, comme il faut au contraire que je les rapporte en tant que représentation à quelque chose qui en soit l'objet et que je détermine par leurs moyens, je puis admettre l'une de ces hypothèses. Ou bien, les concepts à l'aide desquels j'opère cette détermination se règlent aussi sur l'objet, mais alors je me retrouve dans le même embarras sur la question de savoir comment je puis en connaître quelque chose a priori. Ou bien les objets, ou ce qui revient au même, l'expérience dans laquelle seuls ils sont connus, comme objet donné, se règle sur ces concepts, et dans ce cas, j'aperçois aussitôt un moyen plus simple de sortir d'embarras. En effet, l'expérience elle-même est un mode de connaissance qui exige le concours de l'entendement, dont je dois présupposer la règle en moi-même avant que des objets me soient donnés. Par conséquent, a priori. Et cette règle s'exprime en des concepts a priori, sur lesquels tous les objets de l'expérience doivent nécessairement se régler, et avec lesquels ils doivent s'accorder. Pour ce qui regarde les objets, en tant qu'ils sont conçus simplement par la raison, et cela d'une façon nécessaire, mais sans pouvoir être donnés dans l'expérience, du moins telle que la raison les conçoit, nous trouverons en essayant de les concevoir, car il faut bien pourtant qu'on puisse les concevoir, nous trouverons, dis-je, plus tard une excellente pierre de touche de ce que nous regardons comme un changement de méthode dans la façon de penser. C'est que nous ne connaissons a priori des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes. Cette tentative réussit à souhait, et elle promet la marche assurée d'une science à la première partie de la métaphysique, à celle où l'on n'a affaire qu'à des concepts a priori, dont les objets correspondants peuvent être donnés dans une expérience conforme à ces concepts. En effet, à l'aide de ce changement de méthode, on peut très bien expliquer la possibilité d'une connaissance a priori, et, ce qui est encore plus important, munir de preuves suffisantes les lois qui servent a priori de fondement à la nature, considérées comme l'ensemble des objets de l'expérience. Deux choses qui étaient impossibles avec la méthode usitée jusqu'ici. Mais cette déduction de notre faculté de connaître a priori conduit, dans la première partie de la métaphysique, à un résultat étrange et, en apparence, tout à fait contraire au but que poursuit la seconde partie. C'est que nous ne pouvons, avec cette faculté, dépasser les bornes de l'expérience possible. Ce qui est pourtant l'affaire essentielle de la métaphysique. D'un autre côté, l'expérimentation nous fournit ici même une contre-épreuve de la vérité du résultat auquel nous arrivons dans cette première appréciation de notre faculté de connaître a priori. C'est que cette faculté n'atteint que des phénomènes et laisse de côté les choses en soi qui, bien que réelles en elles-mêmes, nous restent inconnues. En effet, ce qui nous pousse nécessairement à sortir des limites de l'expérience et de tous les phénomènes, c'est l'inconditionné que la raison exige nécessairement et à juste titre dans les choses en soi pour tout ce qui est conditionné, afin d'achever ainsi la série des conditions. Or, en admettant que notre connaissance expérimentale se règle sur les objets, comme sur des choses en soi, on trouve que l'absolu ne peut se concevoir sans contradiction. Au contraire, si l'on admet que notre représentation des choses, telles qu'elles nous sont données, ne se règle pas sur ces objets, considérés comme des choses en soi, mais que ce sont eux plutôt qui, comme phénomène, se règlent sur notre mode de représentation, alors la contradiction disparaît. Si, en conséquence, on se convainc que l'inconditionné ne saurait se trouver dans les choses en tant que nous les connaissons, en tant qu'elles nous sont données, Mais en tant que nous ne les connaissons pas, c'est-à-dire dans les choses en soi, tout cela est la preuve que ce que nous n'avions d'abord admis qu'à titre d'essai est véritablement fondé. Mais, après avoir refusé à la raison spéculative tout progrès dans le champ du suprasensible, il nous reste encore à chercher s'il n'y a pas dans sa connaissance pratique certaines données qui lui permettent de déterminer le concept transcendant de l'inconditionné et de pousser ainsi, conformément aux vœux de la métaphysique, notre connaissance a priori au-delà de toute expérience possible, mais seulement au point de vue pratique. En procédant comme on vient de voir, la raison spéculative nous a du moins laissé la place libre pour cette extension de notre connaissance, bien qu'elle n'ait pu la remplir elle-même. Il nous est donc encore permis de la remplir, si nous le pouvons, par ces données pratiques, et elle-même nous y invite. C'est dans cette tentative de changer la méthode suivie en métaphysique et d'y opérer ainsi, suivant l'exemple des géomètres et des physiciens, une révolution complète que consiste l'œuvre de cette critique de la raison pure spéculative. Cette critique est un traité de la méthode, et non un système de la science elle-même. Mais elle en décrit pourtant toute la circonscription, et elle en fait connaître à la fois les limites et toute l'organisation intérieure. C'est que la raison spéculative a ceci de particulier qu'elle peut et doit mesurer son pouvoir propre, suivant les diverses manières dont elle choisit les objets de sa pensée, faire aussi un dénombrement complet de toutes les façons différentes de se poser des problèmes, et se tracer ainsi tout le plan d'un système de métaphysique. En effet, en ce qui regarde le premier point, rien dans la connaissance a priori ne peut être attribué aux objets que ce que le sujet pensant tire de lui-même. Et, pour ce qui est du second, la raison constitue, au point de vue des principes de la connaissance, une unité à part et indépendante, où, comme dans un corps organisé, chaque membre existe pour tous les autres et tous pour chacun, et où aucun principe ne peut être pris pour certain sous un certain point de vue, sans avoir été examiné dans l'ensemble de ses rapports à l'usage entier de la raison pure. Aussi, la métaphysique a-t-elle ce rare bonheur qui ne saurait être le partage d'aucune science rationnelle ayant affaire à des objets, car la logique ne s'occupe que de la forme de la pensée en général, qu'une fois mise par cette critique dans le surchemin de la science, elle peut embrasser complètement tout le champ des connaissances qui relèvent d'elle, et achever ainsi son œuvre, et l'abandonner à l'usage de la postérité, comme une possession qui ne peut plus être augmentée, puisqu'il ne s'agit que de déterminer les principes et les limites de leur usage, et que c'est elle-même qui les détermine. Elle est donc tenue à cette perfection comme science fondamentale, et c'est d'elle qu'on doit pouvoir dire « pensant n'avoir rien fait, s'il reste quelque chose à faire ». Mais quel est donc, demandera-t-on, ce trésor que nous pensons léguer à la postérité dans une métaphysique ainsi épurée par la critique et, par elle aussi, ramenée à un état fixe. Un coup d'œil rapide jeté sur cette œuvre donnera d'abord à penser que l'utilité en est toute négative, ou qu'elle sert seulement à nous empêcher de pousser jamais la raison spéculative au-delà des limites de l'expérience. Et c'est là, dans le fait, sa première utilité. Mais cette utilité apparaîtra positive aussi à qui remarquera que les principes sur lesquels s'appuie la raison spéculative pour se hasarder hors de ses limites, ont en réalité pour conséquence inévitable, non pas l'extension, mais, à y regarder de plus près, la restriction de l'usage de notre raison. C'est qu'en effet, ces principes menacent de tout faire rentrer dans les limites de la sensibilité, de laquelle ils relèvent proprement, et de réduire ainsi à néant l'usage pur, pratique, de la raison. Or, une critique qui limite la raison dans son usage spéculatif, est à cet égard bien négative. Mais, en supprimant du même coup l'obstacle qui en limite l'usage pratique, ou menace même de l'anéantir, elle a une utilité positive de la plus haute importance. On le reconnaîtra dès qu'on sera convaincu que la raison pure a un usage pratique absolument nécessaire. l'usage moral, où elle s'étend inévitablement au-delà des bornes de la sensibilité. Car si elle n'a besoin pour cela d'aucun secours de la raison spéculative, elle veut pourtant être assurée contre toute opposition de sa part afin de ne pas tomber en contradiction avec elle-même. Nier que la critique, en nous rendant ce service, est une utilité positive reviendrait à dire que la police n'a pas d'utilité positive. Parce que sa fonction consiste uniquement à mettre obstacle à la violence que les citoyens pourraient craindre les uns des autres, afin que chacun puisse faire ses affaires tranquillement et en sécurité. Que l'espace et le temps ne soient que des formes de l'intuition sensible, et par conséquent, des conditions de l'existence des choses comme phénomènes. Qu'en outre, nous n'ayons point de concept de l'entendement, et partant, point d'éléments pour la connaissance des choses sans qu'une intuition correspondante nous soit donnée. Que, par conséquent, nous ne puissions connaître aucun objet comme chose en soi, mais seulement en tant qu'objet de l'intuition sensible, c'est-à-dire en tant que phénomène, c'est ce qui sera prouvé dans la partie analytique de la critique. Il en résultera que toute connaissance spéculative de la raison se réduit aux seuls objets de l'expérience. Mais, il faut bien le remarquer, il y a ici une réserve à faire. C'est que, si nous ne pouvons connaître ces objets comme choses en soi, nous pouvons du moins les penser comme telles. Autrement, on arriverait à cette absurde proposition qu'il y a des phénomènes ou des apparences sans qu'il y ait rien qui apparaisse. Qu'on suppose maintenant que la distinction faite nécessairement par notre critique entre les choses comme objets d'expérience et ces mêmes choses comme choses en soi n'ait pas été établie, alors il faut étendre à toutes les choses en général, considérées comme causes efficientes, le principe de causalité et, par conséquent, le mécanisme naturel comme élément essentiel de leur détermination. Je ne saurais donc dire du même être, par exemple, de l'âme humaine, que sa volonté est libre et que, pourtant, il est soumis à la nécessité physique, c'est-à-dire non libre, sans tomber dans une évidente contradiction puisque, dans les deux propositions, j'ai pris l'âme dans le même sens, c'est-à-dire comme chose en général, comme chose en soi, ne pouvant d'ailleurs, sans une critique préalable, la prendre autrement. Que si, par contre, la critique ne s'est pas trompée en nous apprenant à prendre l'objet en deux sens différents, c'est-à-dire comme phénomène et comme chose en soi, que si sa déduction des concepts de l'entendement est exacte, et si, par conséquent, le principe de causalité ne s'applique aux choses que dans le premier sens, c'est-à-dire en tant qu'elles sont objets d'expérience, tandis que dans le second sens, ces mêmes choses ne lui sont pas soumises, alors la même volonté peut être conçue sans contradiction, d'une part dans l'ordre des phénomènes, des actions visibles, comme nécessairement soumises à la loi physique, et par conséquent, comme non libres, et d'autre part, en tant qu'appartenant à une chose en soi, comme échappant à cette loi, et par conséquent, comme libres. Or, quoique sous ce dernier point de vue, je ne puisse connaître mon âme par la raison spéculative, et moins encore par l'observation empirique, ni par conséquent la liberté comme propriété d'un être auquel j'attribue des effets dans le monde sensible, puisqu'il me faudrait la connaître d'une manière déterminée dans son existence et non cependant dans le temps, chose impossible, car je ne puis dans ces conditions appuyer mon concept sur aucune intuition, je puis cependant penser la liberté, c'est-à-dire que l'idée n'en contient du moins aucune contradiction, dès que l'on admet notre distinction critique de deux modes de représentation, le sensible et l'intellectuel, ainsi que la limitation qui en découle relativement au concept pur de l'entendement et, par conséquent, au principe découlant de ces concepts. Admettons maintenant que la morale suppose nécessairement la liberté, dans le sens le plus strict. La liberté comme propriété de notre volonté, en posant a priori comme donnée de la raison des principes pratiques qui en tirent leur origine et qui, sans cette supposition de la liberté, seraient absolument impossibles. Admettons aussi que la raison spéculative est prouvée que la liberté ne se laisse point penser. Il faut alors nécessairement que cette supposition, La supposition morale cède à celle dont le contraire renferme une évidente contradiction, c'est-à-dire que la liberté et avec elle la moralité, dont le contraire ne renferme pas de contradiction, quand on ne suppose pas préalablement la liberté, et avec elle la moralité, dis-je, cède la place au mécanisme de la nature. Mais comme il me suffit, au point de vue de la morale, que la liberté ne soit point contradictoire en elle-même et que par conséquent elle puisse du moins être pensée, comme aussi dès qu'elle ne fait point obstacle au mécanisme naturel de la même action, prise en un autre sens, il n'est pas besoin d'en avoir une connaissance plus étendue, la morale peut garder sa position pendant que la physique conserve la sienne. Ce qui n'aurait pas eu lieu si la critique ne nous avait pas instruit préalablement de notre inévitable ignorance relativement aux choses en soi, et si elle n'avait pas borné à de simples phénomènes toute notre connaissance théorique. On peut encore montrer cette utilité des principes critiques de la raison pure en envisageant les concepts de Dieu et de la simplicité de notre âme. Mais je laisse cela de côté pour être court. Je ne saurais donc admettre Dieu, la liberté et l'immortalité selon le besoin qu'en a ma raison dans son usage pratique nécessaire, sans repousser en même temps les prétentions de la raison pure à des vues transcendantes, car, pour atteindre ces vues, il lui faut se servir de principes qui ne s'étendent en réalité qu'à des objets de l'expérience possible et qui, si on les applique à une chose qui ne peut être objet d'une expérience, la transforment réellement et toujours en phénomène, et déclarent ainsi impossible toute extension pratique de la raison pure. J'ai donc dû supprimer le savoir pour lui substituer la croyance. Le dogmatisme de la métaphysique, ce préjugé qui consiste à vouloir avancer dans cette science sans commencer par une critique de la raison pure, voilà la véritable source de toute cette incrédulité qui s'oppose à la morale, et qui elle-même est toujours très dogmatique. Si donc il n'est pas impossible de léguer à la postérité une métaphysique systématique construite sur le plan de la critique de la raison pure, ce n'est pas un présent de peu de valeur à lui faire. Soit que l'on songe simplement à la culture que la raison peut recevoir en général en entrant dans les voies certaines de la science, au lieu de tâtonner dans le vide et de se livrer à de vaines divagations comme elle le fait en l'absence de la critique, soit qu'on cherche un meilleur emploi du temps pour une jeunesse avide de savoir que le dogmatisme ordinaire encourage de si bonne heure et si fortement à raisonner à perte de vue sur des choses où elle n'entend rien et où elle n'entendra jamais rien, non plus que personne au monde, ou à négliger l'étude des sciences solides pour recourir à la recherche de pensées et d'opinions nouvelles, soit surtout qu'on tienne compte de l'inappréciable avantage d'en finir une bonne fois avec toutes les objections dirigées contre la moralité et la religion, en suivant la méthode de Socrate, c'est-à-dire en démontrant clairement l'ignorance des adversaires. En effet, il y a toujours eu et il y aura toujours une métaphysique dans le monde. Mais toujours aussi on verra s'élever à côté d'elle une dialectique de la raison pure, car celle-ci lui est naturelle. La première et la plus importante affaire de la philosophie est donc d'enlever une bonne fois pour toutes à cette dialectique toute pernicieuse influence en détruisant la source même des erreurs. En cette importante réforme dans le champ des sciences, et malgré le préjudice qu'en doit éprouver la raison spéculative dans les possessions qu'elle s'était attribuées jusque-là, l'intérêt général de l'humanité n'en est pas affecté. Et l'utilité que le monde avait retirée jusqu'ici des doctrines de la raison pure reste la même qu'auparavant. Il n'y a que le monopole des écoles qui en souffre, et nullement les intérêts humains. Je demande aux plus obstinés dogmatiques si la preuve de la permanence de notre âme après la mort qui se tire de la simplicité de la substance, si celle de la liberté de la volonté que l'on oppose au mécanisme universel en se fondant sur les distinctions subtiles mais impuissantes de la nécessité pratique, subjective et objective, si la démonstration de l'existence de Dieu qui se tire du concept d'un être souverainement réel, de la contingence des choses changeantes et de la nécessité d'un premier moteur, je lui demande si toutes ces preuves, nées dans les écoles, ont jamais pu arriver jusqu'au public et exercer la moindre influence sur ses convictions. Or, si cela n'est jamais arrivé, et si l'on ne peut espérer que cela arrive jamais, à cause de l'incapacité de l'intelligence ordinaire des hommes pour d'aussi subtiles spéculations, si au contraire, sur le premier point, cette remarquable disposition naturelle à tout homme qui fait que rien de temporel ne saurait le satisfaire, parce que ne suffisant pas aux besoins de sa destinée complète, si cela peut seul faire naître l'espérance d'une vie future, si, sur le second point, la claire représentation de nos devoirs, en opposition à toutes les exigences de nos penchants, nous donne seule la conscience de notre liberté, si enfin, sur le troisième, l'ordre magnifique, la beauté et la prévoyance qui éclatent de toutes parts dans la nature sont seuls capables de produire la croyance en un sage et puissant auteur du monde et une conviction fondée sur des principes rationnels et susceptibles de pénétrer dans le public, alors non seulement le domaine de la raison demeure intact, mais elle gagne en considération par cela seul qu'elle instruit les écoles à ne plus prétendre, sur une question qui touche à l'intérêt général de l'humanité, à des vues plus élevées et plus étendues que celles auxquelles peut facilement arriver le grand nombre, lequel est parfaitement digne de notre estime, et à se borner ainsi à la culture de ces preuves que tout le monde peut comprendre et qui suffisent au point de vue moral. Notre réforme n'atteint donc que les prétentions arrogantes des écoles, qui se donnent volontiers, comme elles le font à bon droit sur beaucoup d'autres points, pour les seuls juges compétents et les seuls dépositaires de ces vérités, et qui, s'en réservant la clé pour elles-mêmes, n'en communiquent au public que l'usage. Ce qu'il ignore avec moi, il veut paraître être le seul à le savoir, dit un adage. Cependant, nous n'avons pas cessé d'avoir égard aux prétentions des philosophes spéculatifs. Ils restent les dépositaires exclusifs d'une science très utile au public, quoique à son insu, c'est-à-dire la critique de la raison. Cette science ne peut jamais devenir populaire, mais il n'est pas non plus nécessaire qu'elle le soit, car si les arguments finement tissés qui se donnent pour d'utiles vérités n'entrent guère dans la tête du peuple, les objections tout aussi subtiles qu'ils soulèvent n'entre pas mieux dans son esprit. Mais comme l'école et tous ceux qui s'élèvent à la spéculation tombent inévitablement dans ce double inconvénient, la critique est obligée de prévenir une fois pour toutes, par la recherche approfondie des droits de la raison spéculative, le scandale que doivent causer tôt ou tard, même dans le peuple, les disputes où s'engagent inévitablement les physiciens, et comme tels aussi les théologiens, et qui finissent par fausser leur doctrine même. La critique peut seule couper les racines du matérialisme, du fatalisme, de l'athéisme, de l'incrédulité des esprits forts, du fanatisme et de la superstition, ces fléaux qui peuvent devenir nuisibles à tous, comme aussi de l'idéalisme et du scepticisme, qui, du moins, ne sont guère dangereux qu'aux écoles et pénètrent difficilement dans le public. Si les gouvernements jugeaient à propos de se mêler des affaires des savants, ils feraient beaucoup plus sagement, dans leur sollicitude pour les sciences aussi bien que pour les hommes, de favoriser la liberté d'une critique qui seule est capable d'établir sur une base solide les travaux de la raison, que de soutenir le ridicule despotisme des écoles, toujours prêtes à dénoncer à grands cris un danger public quand on déchire leur toile d'araignée, dont le public n'a jamais entendu parler et dont il ne peut pas même, par conséquent, sentir la perte. La critique ne s'oppose point à ce que la raison suive une méthode dogmatique dans sa connaissance pure, considérée comme science, car la science ne peut pas ne pas être dogmatique, c'est-à-dire strictement démonstrative, en vertu de principes a priori certains. Mais elle est opposée au dogmatisme, c'est-à-dire à la prétention d'aller de l'avant avec le seul secours d'une connaissance pure, la connaissance philosophique, tirée de certains concepts à l'aide de principes tels que ceux que la raison emploie depuis longtemps, sans avoir recherché comment et de quel droit elle y est arrivée. Le dogmatisme est donc la raison pure, suivant une méthode dogmatique, sans avoir soumis sa puissance propre à une critique préalable. Il ne s'agit donc pas ici, en combattant le dogmatisme, de plaider la cause de cette stérilité verbeuse qui usurpe le nom de popularité, non plus que celle du scepticisme, qui condamne toute la métaphysique sans l'entendre. La critique est plutôt la préparation indispensable à l'établissement d'une métaphysique solide et fondée comme science, qui doit être nécessairement traitée d'une manière dogmatique, avec un caractère systématique qui satisfasse aux plus sévères exigences et par conséquent sous une forme scolastique et non populaire. Ce sont là des conditions auxquelles cette science ne saurait se soustraire, puisqu'elle s'engage à accomplir son œuvre tout à fait a priori, et par conséquent à l'entière satisfaction de la raison spéculative. Dans l'exécution du plan tracé par la critique, c'est-à-dire dans le système futur de la métaphysique, nous devrons suivre un jour la méthode sévère de l'illustre Wolf, le plus grand de tous les philosophes dogmatiques, qui, le premier, et c'est par cet exemple qu'il a créé en Allemagne cet esprit de solidité qui ne s'est pas encore éteint, montra comment, en établissant régulièrement les principes, en déterminant clairement les concepts, en recherchant l'absolue rigueur des démonstrations, en évitant les sauts téméraires dans les conséquences, on entre dans les voies sûres de la science. Il était par là même supérieurement doué pour donner à la métaphysique le caractère d'une science. Il avait eu l'idée de se préparer le terrain par la critique de l'instrument, c'est-à-dire de la raison pure elle-même. Mais ce défaut lui doit être moins imputé qu'à la façon dogmatique de penser de son siècle. Et à cet égard, les philosophes, ses contemporains aussi bien que ses devanciers, n'ont rien à se reprocher les uns aux autres. Ceux qui rejettent sa méthode, et du même coup, celle de la critique de la raison pure, ne peuvent avoir d'autre but que de se débarrasser des liens de la science, et de convertir le travail en jeu, la certitude en opinion, la philosophie en philodoxie. Pour ce qui est de cette seconde édition, je n'ai pas voulu, comme de juste, négliger l'occasion qu'elle m'offrait de faire disparaître autant que possible les difficultés et les obscurités qui, peut-être bien par ma faute, ont pu donner lieu à certains malentendus dans l'appréciation que des hommes pénétrants ont faite de ce livre. Je n'ai rien trouvé à changer dans les propositions mêmes et dans leurs preuves, non plus que dans la forme et dans l'ensemble du plan, ce qui s'explique en partie par le long examen auquel j'avais soumis mon œuvre avant de la livrer au public, en partie par la nature même du sujet, c'est-à-dire par la nature d'une raison spéculative où l'on trouve une véritable organisation, où tout est organe, où tout existe pour chaque membre et chaque membre pour le tout, et où par conséquent, il n'y a pas de vice si léger, soit faute, soit omission, qui ne se trahisse inévitablement dans l'usage. Ce système conservera désormais, je l'espère, cette invariable fixité. Ce qui me donne cette confiance, ce n'est point une vaine présomption, mais l'évidence que produit en fin de compte l'expérimentation du résultat. Soit qu'on s'élève des derniers éléments à l'ensemble de la raison pure, soit qu'on redescende de l'ensemble à chaque partie, car cet ensemble ressort par lui-même du but final de la raison dans le domaine pratique. Tandis que, si l'on essaie d'y changer la moindre chose, il en résulte des contradictions, non seulement dans le système, mais pour la raison humaine commune. Mais, dans l'exposition, il y a encore beaucoup à faire, et je me suis efforcé de corriger cette édition de manière à dissiper soit le malentendu auquel a donné lieu l'esthétique, soit dans le concept du temps, soit l'obscurité de la déduction des concepts de l'entendement, soit le prétendu défaut d'évidence dans les preuves des principes de l'entendement pur, soit enfin la fausse interprétation des paralogismes de la psychologie rationnelle. Mes corrections dans la rédaction ne s'étendent pas plus loin, c'est-à-dire jusqu'à la fin du premier chapitre de la dialectique transcendantale. Le temps m'a manqué, et d'ailleurs, je ne sache pas qu'aucun juge compétent et impartial, se soit mépris sur le reste. Je n'ai pas besoin de nommer, avec les éloges qu'ils méritent, ceux dont j'ai pris les avis en considération. Ils trouveront bien d'eux-mêmes les endroits que j'ai retouchés d'après leurs conseils. Mais les corrections que j'ai dû faire ont entraîné pour le lecteur un léger dommage qu'il n'était pas possible d'éviter sans rendre le livre trop volumineux. Plus d'un lecteur, en effet, pourra regretter divers passages qu'il a fallu ou supprimer ou raccourcir pour faire place à une position maintenant plus claire, je l'espère du moins, et qui, sans être essentielles à l'intégrité de l'ensemble, pouvaient cependant avoir leur utilité à un autre point de vue. Cette nouvelle exposition ne change rien, quant au fond, dans les propositions et leurs démonstrations mêmes. Mais elle s'écarte trop çà et là de l'ancienne, dans la manière de présenter les choses, pour qu'il ait été possible de l'y intercaler. Mais ce léger dommage, que chacun d'ailleurs peut réparer s'il le veut, en rapprochant les deux éditions, est compensé, je l'espère, par une clarté beaucoup plus grande. J'ai remarqué avec un plaisir reconnaissant, dans divers écrits récemment publiés, soit à l'occasion de l'examen de certains livres, soit dans des traités spéciaux, que l'esprit de solidité n'est pas mort en Allemagne, mais qu'il a été seulement étouffé pendant quelque temps par la mode d'une liberté de pensée posant au génie, et que les épines qui couvrent les sentiers de la critique n'ont nullement empêché les esprits courageux et avides de clarté de s'engager dans une voie qui conduit à une science de la raison pure, scolastique, il est vrai, mais durable à ce titre même, et partant de la plus haute nécessité. Il y a des hommes de mérite qui, à la profondeur des vues, ont le bonheur de joindre le talent d'une exposition lumineuse, dont je ne me sens pas capable. Je leur laisse le soin de mettre la dernière main à mon œuvre pour y corriger ce qu'elle peut encore avoir ça et là de défectueuse à cet égard. Car le danger n'est pas ici d'être contredit, mais de n'être pas compris. De mon côté, je ne puis m'engager désormais à descendre dans toutes les discussions que cette œuvre pourra soulever. Mais je ferai soigneusement attention à tous les avis, qu'ils viennent d'amis ou d'adversaires, afin de les mettre à profit dans l'exécution du système qui doit suivre cette propédeutique. Comme, en me livrant à ces travaux, je suis arrivé à un âge très avancé, j'entre ce mois-ci dans ma 64e année, je dois être économe de mon temps, si je veux exécuter le plan que j'ai formé, de publier la métaphysique de la nature ainsi que celle des mœurs, afin de confirmer l'exactitude de la critique de la raison spéculative aussi bien que pratique. J'abandonnerai donc l'éclaircissement des difficultés qu'il n'était guère possible d'éviter, d'abord dans une œuvre de ce genre, ainsi que la défense de l'ensemble, aux hommes de mérite qui en ont fait leur affaire. Tout traité philosophique est vulnérable d'un certain côté, car il ne saurait être aussi bien cuirassé et protégé dans sa marche qu'un traité mathématique. Bien que l'organisation du système, considérée dans son unité, ne court pas le moindre danger. C'est que lorsqu'il est nouveau, peu d'esprits sont capables d'en embrasser l'ensemble, et un plus petit nombre encore d'y trouver du plaisir, toute nouveauté leur étant importune. Ainsi n'y a-t-il pas d'écrit, surtout d'allure libre, où, en rapprochant certains passages détachés de l'ensemble, on ne puisse faire apparaître des contradictions. Contradictions qui jettent sur lui un jour défavorable aux yeux de quiconque ne juge que d'après autrui, tandis que, pour qui s'est élevé à l'idée de l'ensemble, elles sont faciles à résoudre. Mais lorsqu'une théorie a quelque solidité, l'action et la réaction qui semblaient d'abord la menacer des plus grands dangers ne servent avec le temps qu'à en faire disparaître les inégalités et, si des esprits impartiaux, lumineux et amis de la vraie popularité s'en occupent, à lui donner aussi bientôt toute l'élégance désirable.